franceinter.com. Le modeste Yémen se serait sans doute bien passé de cette soudaine publicité. Il a en effet suffi de la tentative d'attentat ratée d'un Nigérian qui y a séjourné pour que le Yémen soit présenté comme un antre de terroristes, l'un des pays les plus dangereux au monde, un État qui mériterait qu'on lui envoie une force internationale pour en chasser tous les fauteurs de troubles. Heureusement, la situation actuelle qui prévaut en Afghanistan a réfréné les ardeurs des plus frénétiques des bouts de feu. Et qui sait ce qui attendrait de nouveaux coalisés s'ils débarquaient au Yémen. Et le président Obama ne semble nullement pressé de tomber dans un nouveau piège antiterroriste hors des États-Unis. La lutte contre Al-Qaïda ne peut conduire à tous les aveuglements. Il n'empêche que ce pays, qui a si peu fait parler de lui jusqu'à aujourd'hui, suscite légitimement de vraies inquiétudes et que la guerre interne dans le Nord, qui le mine depuis 2004, peut contribuer à embraser cette région déjà fragilisée par le chaos qui existe de l'autre côté de la mer Rouge, en Somalie. Il faut ajouter la position stratégique du Yémen, au sud de la péninsule arabique, c'est-à-dire le long de cette route maritime de l'océan Indien, par où transitent les tankers pétroliers et les cargos si indispensables aux économies occidentales. Autant de raisons de s'intéresser de très près à ce pays dont la mauvaise réputation, à tort ou à raison, ne cesse de croître. M. X analyse les enjeux véritables de cette nouvelle crise internationale où le puissant voisin du Nord, l'Arabie Saoudite, joue un rôle obscur et particulièrement ambigu. Mais on pourrait aussi s'interroger à propos des menées iraniennes au Yémen. Le début d'un long entretien. On l'a longtemps appelée l'Arabie heureuse, parce que ses hautes terres sont arrosées par la mousson et que les cultures en terrasse en ont fait un pays fertile. Il y a également des déserts au Yémen. Des oasis verdoyantes. Un point important, Le Yémen est à peu près aussi grand que la France pour une population de presque 23 millions d'habitants. C'est donc le pays le plus peuplé de la péninsule arabique. Et avant même l'Arabie saoudite. Mmh. Le Yémen était aussi le royaume légendaire de la reine de Saba. Hein. Oui, mais enfin, tout cela est bien loin. Tout aussi un pays qui a toujours fait rêver. Et qui le doit à ses merveilles géographiques et architecturales. Toutefois, le Yémen vit sans doute aujourd'hui les pires heures d'une histoire pourtant bien tourmentée. Cependant, il faut tempérer ce constat. On ne doit jamais oublier que le Yémen est aussi la seule démocratie de la péninsule arabe. Et même la seule du monde arabe. Une démocratie qui continue à subsister vaille que vaille, malgré toutes les difficultés actuelles. Et ça mérite d'être souligné. Oui, d'accord, mais alors, il faut bien expliquer pourquoi le Yémen est d'un seul coup devenu la bête noire du monde occidental. Et ça tient, je vous le rappelle, à deux faits récents. L'attentat raté de ce jeune Nigérian, Omar Farouk Abdullah Talmad, qui a voulu faire sauter un avion américain de la Northwest Airlines. Oui, un terroriste qui aurait été formé au Yémen au sein d'un groupuscule d'Al-Qaïda. C'est en effet ce qu'on a dit. Ouais. J'y reviendrai. Quant au deuxième événement, c'est la tuerie perpétrée par un médecin officier de l'armée américaine. Et qui a causé la mort d'une dizaine de militaires dans une base états-unienne en novembre dernier. Or, cet assassin, Nidal Hassan, aurait été en relation avec un prêcheur islamiste réfugié au Yémen. Un homme qui l'aurait convaincu alors d'effectuer cet attentat. À deux reprises, donc, le Yémen a été montré du doigt. Et ça a suffi pour qu'il soit présenté comme un sanctuaire du terrorisme. Un nouvel Afghanistan. Alors, bon, je ne dis pas qu'il ne faut pas s'inquiéter. Mais il faut raison garder et surtout essayer de comprendre. Je vais quand même me faire l'avocat du diable. Parmi les prisonniers de Guantanamo, il y avait aussi une importante proportion de yéménites. Hein. Ce qui montre effectivement que le Yémen est loin d'être étranger au terrorisme. Puis il y a aussi le fait que Ben Laden est lui-même originaire du Yémen. Encore une fois, vous avez raison. Et ça permet de nourrir bien des suspicions. Ouais, vous avez tout de même l'air un peu sceptique. Là, oui, hein. Oui, parce que vous savez depuis longtemps ce que je pense de la nébuleuse Al-Qaïda, à qui il ne faut pas prêter plus qu'elle n'en fait. Parce que si n'importe qui peut se réclamer d'Al-Qaïda, ça ne veut pas dire pour autant que l'ordre de tuer a été donné par l'organisation. Ouais, en d'autres termes, là, ça signifie que des terroristes isolés, peut-être comme ce Nigérian, là, peuvent utiliser l'image de marque d'Al-Qaïda. Exactement. Ce qui ne veut pas dire que l'organisation de Ben Laden ne garde pas un véritable pouvoir de nuisance, car elle tente d'infiltrer tous les mouvements islamiques dissidents. Mais on en reparlera, je vous le promets. Et en attendant, attachons-nous d'abord à essayer de comprendre comment le Yémen a désormais rejoint le petit club des pays voyous, pour reprendre la terminologie chère au président George Bush. Le Yémen, vous l'avez dit, c'est d'abord le pays de la reine de Saba. Un territoire très vite pénétré au début de notre ère par le judaïsme et le christianisme. Et l'islam ? Les yéménites se convertissent du vivant même du prophète Mahomet. Ouais, rapidement. Ouais. Ouais, mais ce pays musulman à majorité sunnite, sans doute à cause de son relief montagneux et inaccessible au nord, va devenir un refuge pour des mouvements politico-religieux qui s'opposent au calife de Bagdad. C'est ainsi qu'on voit éclore à la fin du premier millénaire une faction chiite sécessionniste, le zaïdisme. Sans entrer dans le détail, là, quelle différence avec le chiisme traditionnel tel qu'il est pratiqué en Iran ou en Irak ? Ça tient essentiellement au fait que les zaïdites, contrairement aux chiites, ne reconnaissent qu'une lignée de 5 imams après la mort de Mahomet. Au lieu de 12 pour les autres. Hein. C'est ça. Ouais. Mais il reste néanmoins qu'il existe des liens étroits entre les zaïdites et les chiites et que cette relation privilégiée intéresse beaucoup les autorités iraniennes d'aujourd'hui. Qui pourraient être tentées d'interférer dans les affaires du Yémen. Oui, mais enfin, n'allons pas trop vite. En tout cas, cette prééminence du zaïdisme au nord-ouest du pays a donné naissance à un pouvoir temporel puissant, l'imamat zaïdite, qui va régner pendant presque un millénaire. Et cela malgré l'occupation ottomane qui commence au XVIe siècle. Et ça perdure d'une certaine façon, puisque jusqu'à maintenant, tous les présidents yéménites ont été zaïdites. Mais ici, il faut tout de suite introduire une donnée essentielle. En fait, pendant très longtemps, il n'y a pas eu un Yémen, mais deux. Ouais, le nord et le sud. Et puisque je vous parlais de l'occupation turque, elle a surtout été effective dans le nord, tandis que le sud a été un peu plus tard colonisé par la Grande-Bretagne. Autre facteur qui a toujours nui à la cohésion du pays, l'existence de tribus batailleuses qui tirent à hue et à dia et qui étouffent non seulement la vie politique du Yémen, mais entravent son développement. Je vous propose donc de voir séparément l'évolution du sud et du nord. Ah oui. Par où commencez-vous ? Le nord, si vous le voulez bien, parce que c'est le Yémen le plus traditionnel. Ouais, le plus authentique Sans doute aussi. Ouais. C'est en 1918, après la fin de la Première Guerre mondiale et le dépeçage de l'Empire ottoman, que le Yémen du Nord accède à l'indépendance. Le pays est alors à la fois, pour des raisons géographiques et religieuses, un territoire reculé très peu perméable aux influences étrangères. Et presque naturellement, c'est un imam zaïdite, Yahya, qui prend les rênes du pays. Pourquoi naturellement ? Parce que ce chef religieux a mené la vie dure aux occupants turcs et qu'il a donc rassemblé les indépendantistes. Ouais. Et quel genre de régime met-il en place ? Une théocratie. Mais je dois vous dire que les zaïdites ne sont pas des intégristes et qu'ils pratiquent un islamisme modéré. L'une des premières batailles que doit mener Yahya l'oppose aux voisins du Nord. L'Arabie saoudite. Oui. Ibn Saoud veut s'emparer de quelques provinces yéménites limitrophes. Il arrivera à ses fins au terme d'un traité signé entre les deux pays en 1934. Une querelle territoriale qui n'est d'ailleurs pas vraiment terminée. Quoi qu'il en soit, cette première émixtion de l'Arabie saoudite dans la politique yéménite sera loin d'être la dernière. On va le voir tout de suite, mais avançons. Le premier vrai soubresaut se produit en 1948. Et c'était presque inévitable tant le pays était soumis à un pouvoir anachronique quasi moyenâgeux. Cette année-là, donc, l'imam Yahya est assassiné. Mmh, ouais. Et qui lui succède alors ? Son fils, Ahmad. Et les Saoudiens étaient derrière ce coup ? Sans nul doute. En tout cas, le fils est très différent du père. Ahmad entend moderniser son pays et l'ouvrir au monde extérieur. C'est ainsi qu'il va faire appel sans distinction à plusieurs puissances étrangères, américains, russes, mais aussi chinois, pour développer les infrastructures yéménites. En même temps, il ne peut pas ignorer les aspirations panarabistes qui se manifestent, en particulier dans l'armée. Et ça explique un curieux épisode de l'histoire yéménite. Quoi ? En 1958, le Yémen du Nord adhère à la RAU, la République Arabe Unie, qui unit déjà l'Égypte et la Syrie. Ouais. Un rêve de Nasser. Nasser qui est alors le leader le plus prestigieux du monde arabe. Et qui, après l'échec de Suez, entend bien prendre sa revanche sur Israël. Bien évidemment. Mais la RAU, vous le savez, ne durera qu'un temps et les trois États recouvriront leur indépendance. Ahmad, qui a déjà échappé à plusieurs tentatives d'attentat, meurt de mort naturelle en 1962. Son fils, Badr, lui succède, mais il ne règne qu'une petite semaine. Un putsch militaire le balaye. C'est la fin de l'imamat zaïdite qui durait donc depuis un millénaire. Le Yémen du Nord devient une république. Mais en même temps, c'est le début d'une terrible guerre civile qui va opposer pendant 7 ans les républicains aux tenants de l'ordre ancien zaïdite. Les monarchistes. Mais de part et d'autre, on bénéficie de puissants soutiens étrangers. Mmh. Alors c'est une guerre par procuration ? Oui, oui. Au fond, au Yémen, ce sont les Égyptiens qui combattent les Saoudiens. Les deux camps manipulant à leur guise les tribus qui sont le socle de la société yéménite. Mais c'était excessivement dangereux parce qu'à partir du moment où ces tribus étaient associées à la lutte pour le pouvoir, elles n'en sortiraient jamais. Et qu'elles pèseraient désormais de tout leur poids dans l'évolution du pays. Rendez-vous avec X. En 1999, Rémy Levaux, Franck Mermier et Udo Stenbach ont dirigé l'écriture d'un ouvrage collectif sur le Yémen contemporain. J'en extrais ce passage. Les armes et l'argent étaient distribués par les deux parties et le pouvoir de certains cheiks augmenta du fait qu'ils contrôlaient le recrutement des combattants et la répartition des fonds. De fait, la nouvelle République ne fit pas que s'appuyer sur la force armée des tribus pour se maintenir. Elle intégra de nombreux cheiks de tribus dans l'appareil gouvernemental et amplifia le rôle d'arbitre qu'ils avaient traditionnellement au sein de leurs tribus et entre celles-ci et l'État. En outre, la nécessité de capter les allégeances tribales pour lutter contre les forces royalistes s'était traduite par la mise en place au sein du nouvel État d'une administration des affaires tribales dont la principale fonction était de verser des subsides aux chefs de tribu en échange de leur loyauté. Ainsi, un ministère des affaires tribales fut créé en 1962 avant qu'un comité des affaires tribales de 6 membres, rattachés au conseil présidentiel, ne vit le jour en avril 1963. Cette administration, toujours en place, transforma les chefs de tribu en agents du gouvernement tout en renforçant leur position au sein de leur tribu. Leur rôle traditionnel d'arbitre s'est ainsi accru d'une fonction de médiateur permettant l'obtention de services et d'emplois dans un sens, la diffusion des messages gouvernementaux dans un autre et pour certains, de l'acquisition d'un pouvoir politique à l'échelon national. Le Yémen contemporain a été publié par Cartala. En 1967, après la guerre des Six Jours et la défaite égyptienne, Nasser décide de rapatrier ses troupes qui combattaient au Yémen. Et symétriquement, les Saoudiens cessent d'aider les monarchistes. Mais ce n'est pas encore la paix. Et la guerre civile va encore se prolonger 2 longues années. Mais comment ça se termine alors ? En 1969, enfin, un accord intervient entre les deux parties et on s'attaque à la reconstruction du pays. Ouais, qui doit en avoir bien besoin. En effet. Alors, restons encore au nord quelques instants. La paix a été retrouvée, mais l'instabilité prévaut. Et elle est entretenue par le jeu et les rivalités des tribus. Bien entendu. Ouais. Ça se traduit par plusieurs assassinats de présidents, des militaires qui se sont successivement emparés du pouvoir. Mais en 1978, un lieutenant-colonel, Ali Abdallah Saleh, parvient à s'installer à la tête de l'État. Et il y est toujours. C'est un record de longévité. Hein. Oui, car il passera même la difficile épreuve de la réunification. Il sera ensuite légitimé par les urnes. Ouais, à plusieurs reprises, je crois. Mmh. Alors le Sud, maintenant. Au contraire de son jumeau du Nord, le Yémen du Sud a connu une forte prospérité économique. À cause de la colonisation. Aden, sa capitale, est alors le premier port de la région. Et c'est aussi la principale base militaire britannique du Moyen-Orient. Mais le mouvement de décolonisation ne pouvait pas épargner le Yémen du Sud. Et dès le lendemain de la Seconde Guerre mondiale, on voit apparaître des aspirations nationalistes. Et la tension commence progressivement à monter. Réaction des autorités britanniques ? Fidèles à une tactique qu'elles ont souvent employée, mais n'ont pas été les seules. Elles ont fait en sorte de diviser le mouvement et surtout de jouer les tribus les unes contre les autres. Mais parce qu'au Yémen Sud aussi, le rôle des tribus est important. Bien sûr. Mais ces mesures ne peuvent empêcher la création en 1963 d'un front de libération qui entend obtenir l'indépendance par la lutte armée. À noter d'ailleurs qu'une deuxième organisation apparaît, un mouvement suscité par Nasser. Et comme partout ailleurs, les deux fronts se combattent et leurs militants s'entretuent. Et les Britanniques, ils sont pour quelque chose ? Je n'en sais rien, même si je pense que cette rivalité n'a pas dû leur déplaire. Cependant, c'est le premier front de libération qui l'emporte. Et en 1967, la Grande-Bretagne doit quitter les lieux. C'est la naissance de la République populaire du Yémen du Sud. Populaire, enfin, comme les démocraties populaires d'Europe de l'Est ? Exactement. Très vite, le nouveau régime prend un virage franchement marxiste. Et ce n'est qu'un début, car le nouvel État s'appellera bientôt une République démocratique populaire. Ouais. Et ce tournant marxiste est-il effectif ? Oui, les structures anciennes, shérifat et sultanat, sont abolies. Et une politique de planification, de nationalisation et de réforme agraire est mise en place. Ça se traduit malheureusement par un appauvrissement du pays et la fuite en masse de la bourgeoisie commerçante qui prend peur. Et en matière de politique extérieure, est-ce que le Yémen du Sud se rapproche du camp communiste ? Presque obligatoirement, parce que ce pays ouvertement marxiste ne peut guère se trouver d'alliés ou de protecteurs ailleurs. Autre chose, est-ce que le système tribal s'accommode de cette collectivisation du pays ? Tant que les intérêts des cheikhs ne sont pas personnellement affectés, ça passe. Ouais, alors, c'est un communisme à la mode tribale ? Un communisme très modéré, oui. Le fond de ma pensée, c'est que la teinture marxiste des yéménites du Sud est restée très superficielle et n'a pas bouleversé l'ordre hiérarchique traditionnel de la société. Il n'empêche que cet État rouge installé au sud de la riche Arabie saoudite en a inquiété plus d'un. Et c'était le premier et le seul État arabe à avoir adopté un régime marxiste, hein, une sorte de curiosité en somme. Et un atout dont entendait profiter l'URSS dans cette région de monarchie pétrolière. Un pion important dans la guerre froide, car désormais les soviétiques pouvaient utiliser le port d'Aden et même installer des bases militaires dans le pays. Est-ce que, malgré ces différences de régime, les Yéménites des deux républiques envisagent un jour de réaliser l'union de leur pays? Oui, il s'agit là de réaliser un vieux rêve. Mais de chaque côté, on voit les choses de façon complètement différente. Expliquez, quel exemple? Les nordistes aspirent ardemment à réaliser cette unité. Mais ça n'est pas dénué d'arrière-pensée. En fait, les dirigeants du Nord, dignes successeurs des imams zaïdites, qui ont si longtemps régné sur le pays, pensent que le Sud a une vocation naturelle à être intégré au Nord, et que ce territoire n'aurait jamais dû être soustrait à leur autorité. Oui, je vois. Et autre son de cloche au sud, bien sûr. Évidemment. Les sudistes, qui sont aussi des farouches partisans de l'unité arabe, estiment que la réunification des deux Yémen est nécessaire à l'accomplissement de leur projet. Oui, ce sont des panarabistes. Oui, et puis il y a, vous le soulignez, les nombreuses différences politiques. Le Nord est resté profondément religieux et conservateur, tandis que le Sud affiche son marxisme. En outre, les deux Yémen n'ont pas le même poids démographique à l'époque. Les 14 millions de Yéménites du Nord font peur au Sud, qui ne rassemble que 4 ou 5 millions d'habitants. Ouais, le Sud qui risque donc d'être débordé. Alors, si y a réunification un jour, elle ne peut être que conflictuelle. Et dès 1972, alors que des deux côtés, on imagine un plan de réunification, un premier affrontement armé oppose les deux Yémen. À quel propos? Un différend frontalier. Et c'est le Nord qui a pris l'initiative du conflit. Mais ce n'est pas innocent. Car le voisin saoudien, sans doute poussé par les Américains, a encouragé les nordistes à attaquer. En tout cas, c'est le début d'une guerre plus ou moins larvée entre le Nord et le Sud. Et c'est aussi, j'imagine, une des conséquences de la guerre froide. Bien entendu. Les Soviétiques étant installés au Sud, les Occidentaux vont faire leur possible pour les enchasser. C'est beaucoup plus important qu'il n'y paraît, car on va voir à l'occasion la mise en place d'une tactique qui sera utilisée plus tard en Afghanistan. Expliquez-moi ça. Eh bien, pour la première fois, les services de l'Ouest, et là bien sûr je veux surtout parler de la CIA, vont se servir de l'islamisme pour combattre les communistes. Mmh. Ce qui sera donc fait plus tard avec les moudjahidines afghans. Hein. C'est l'instrumentalisation de la guerre sainte, de l'appel au djihad. Et on en voit aujourd'hui les conséquences. D'accord, mais... Et dans le contexte de la guerre froide, pouvait-on prévoir ce qui allait se passer plus tard? Je veux dire, Ben Laden, la suite... Sans doute pas. Mais se servir de la religion pour fanatiser des combattants, c'est toujours dangereux. Il y a tant d'exemples dans l'histoire. Mais enfin, ne nous éloignons pas. Malgré ce climat de guerre civile attisé par les Saoudiens et les Américains, la paix s'installe plus ou moins au début des années 80. Cependant, c'est au sein des instances dirigeantes du Yémen du Sud que se produisent des déchirements. À quel propos, alors? En principe, il s'agit de différents politiques. Une faction en tient pour la stricte imitation du modèle soviétique, tandis qu'une autre voudrait libéraliser le régime et surtout l'ouvrir vers l'Ouest. Vous avez dit en principe. Oui, car en fait, cette polémique dissimule des querelles de personnes. Ce sont deux clans qui s'affrontent. Et là encore, les tribus ne sont pas étrangères à la querelle. Mais ça va très loin. En janvier 1986, sous l'œil ahuri des conseillers soviétiques qui se trouvent à Aden, les deux factions entrent en guerre et ces affrontements armés vont provoquer la mort d'une dizaine de milliers de Yéménites et causer d'innombrables destructions. Et on peut penser alors que cette guerre interne au Sud ne doit pas trop attrister le Nord. Hein. C'est évident, parce qu'il en résulte un affaiblissement notoire du Sud. Ajoutez à cela une diminution de l'aide de l'URSS, qui connaît elle-même de nombreuses difficultés, et vous comprendrez que bientôt le Sud appauvri sera obligé de se tourner vers son jumeau du Nord, qui convoite ses ressources pétrolières. Ouais. Alors la réunification est en vue? Mais née dans la douleur et le ressentiment, elle ne pourra pas être vraiment sincère. Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. Je reviens au livre déjà cité, Le Yémen contemporain. Sous la signature de Bernard Rougier, il propose l'analyse suivante sur le contexte de la réunification. Pour les deux protagonistes yéménites, le processus d'unification a donc pris la forme d'une fuite en avant, lourde d'arrière-pensée sans doute, mais rendue indispensable par les conditions intérieures prévalant de part et d'autre. Le président Salé s'est voulu le maître d'œuvre d'une unité yéménite susceptible de renforcer une légitimité chancelante dans un contexte où se superposaient dégradation économique et contestation religieuse bénéficiant de l'appui matériel du voisin saoudien. La présence confirmée de gisements pétroliers dans la zone frontalière comprise entre Marib et Chamois a accéléré une dynamique unitaire dorénavant guidée par de nouvelles perspectives de développement. Le discours officiel soulignait à l'envi la dimension complémentaire des deux économies, investissement pour le Sud et marché élargi pour le Nord, et opérait la synthèse entre l'idéologie nationaliste et les attentes sociales en faveur d'une amélioration des conditions d'existence. Pour les dirigeants sudistes, pleinement conscients de leur impopularité, l'unité s'imposait comme l'unique mode de survie politique. En tout cas, une fois décidée, fin 89, la réunification des deux Yémen se fait à un rythme accéléré. Dès le mois de mai 1990, avec 6 mois d'avance, les deux parlements ratifient l'accord. Et comment expliquez-vous alors cette précipitation subite là ? Au sud, les dirigeants n'ont guère le choix, tant le pays est appauvri et puis les soviétiques sont définitivement partis. Mais au nord aussi, on est pressé, parce que l'Arabie saoudite, toujours elle, suscite des oppositions à la réunification. Mais pour quelle raison ? Riyad, c'est clair, craint la présence à sa frontière sud d'un pays puissant et d'une république laïque qui pourrait donner des idées à ses propres ressortissants. En outre, Riyad n'a jamais fait mystère de sa volonté de grignoter quelques miettes du territoire yéménite et même de créer un état pétrolier dans la province de l'Amadraout, à l'est du Yémen. Là où se trouvent les gisements de pétrole et de gaz. Donc, les Saoudiens font tout ce qu'ils peuvent pour pousser les islamistes du Nord à refuser la réunification. Par conséquent, le président Salé veut aller vite pour juguler ses oppositions. Et dans quelles conditions, alors, ce nouvel état voit-il le jour ? En réalité, il résulte de l'accord entre les deux principaux partis de chacun des États, celui du président Salé au nord et celui du dirigeant du sud, Al-Bai, le parti socialiste. Un parti qui j'imagine, a renoncé au marxisme pur et dur. Bien entendu. Et pratiquement, comment ça se passe alors ? Salé devient le président du nouvel ensemble et Al-Bai est son vice-président. Un partage du pouvoir donc qui avantage plutôt le nord. Ça ne sera pas sans conséquences. Mais les débuts sont prometteurs. La constitution, approuvée par référendum en 1991, instaure le multipartisme, un fonctionnement démocratique des institutions et la liberté de la presse. C'est par conséquent la naissance de la première démocratie de la péninsule arabe. Mais du monde arabe tout entier. Toutefois, la réunification n'est pas parfaite. En fait, on assiste plutôt à une juxtaposition de deux pouvoirs qu'à une véritable intégration au sein d'un même État. Les deux armées demeurent, par exemple, autonomes. Ça, c'est un signe de défiance. Bien sûr. En outre, très vite, des difficultés surgissent. Les sudistes ont le sentiment que les nordistes, plus nombreux, mettent la main sur leur pays et raflent tout ce qu'il y a à rafler. Une sorte de colonisation du sud par le nord. Et une colonisation conduite par le président Salé, qui place les hommes de sa tribu, les Hachin, à tous les postes de responsabilité. Cependant, c'est une autre question qui vient encore accroître les difficultés du nouvel État et le fragiliser. La guerre du Golfe. Et pourquoi alors ? En 1990, après l'invasion du Koweït par Saddam Hussein, le Yémen prend fait et cause pour l'Irak. Immédiatement, Riyad, trop content de pouvoir affaiblir son voisin, prend des mesures de rétorsion. 1 million de Yéménites qui travaillaient en Arabie Saoudite sont renvoyés chez eux. Une catastrophe pour l'économie yéménite, parce qu'il faut non seulement accueillir ces exilés, mais l'argent qu'ils gagnaient et envoyaient au pays va manquer cruellement. Il faut y ajouter l'arrivée au Yémen de nombreux boat people qui fuient la corne de l'Afrique ravagée par la guerre. L'économie se détériore donc. Et les difficultés politiques suivent forcément, car les aigreurs entre le sud et le nord ne cessent de croître. Et tout ça va de pair avec les manœuvres saoudiennes qui, à travers le parti islamiste Al-Isla, membre de la coalition gouvernementale, vise à déstabiliser le Yémen. Comme d'habitude. Oui. C'est malheureusement une constante de la politique saoudienne. Et ses effets pervers se font sentir jusqu'à aujourd'hui. Cette dégradation pousse en tout cas le dirigeant du Sud, Al-Bay, à se retirer de la vice-présidence et à se replier sur son fief d'Aden. Alors c'est l'éclatement ? Pas encore. On assiste même en 1994 à une tentative de conciliation sous l'égide de la Jordanie. Le camp sudiste y gagne quelques privilèges. Mais il est trop tard. Et la confrontation armée est presque inévitable. Et quand se produit-elle alors ? En mai 1994, le Sud a alors décidé de faire sécession. Aussitôt, les forces du Nord attaquent. Et après plus de 2 mois de combats et des milliers de morts, le président Salé triomphe. Aden est prise et les dirigeants du Sud fuient à l'étranger. Ils seront un peu plus tard condamnés à mort par contumace. Le Nord a donc gagné contre le Sud, mais avec quelles conséquences ? Salé est loin d'être au bout de ses difficultés, car pour triompher du Sud, il a dû faire pas mal de concessions. D'abord à ses partenaires du parti islamiste, qui va très vite se révéler être un allié encombrant, et qui ne va cesser de réclamer des mesures pour lutter contre l'athéisme supposé des sudistes. Ouais, ces anciens marxistes. Mais Salé a dû aussi faire des concessions aux tribus du Nord, qui l'ont aidé à vaincre, et qui, après la victoire, n'entendent pas rentrer dans le rang. Alors d'une certaine façon, Salé a ouvert la boîte de Pandore. C'est tout à fait ça. Même dans son camp, le président est contesté. La puissante tribu des Bakil, rivale permanente des Hachides. Les Hachides, la tribu d'origine de Salé. Oui, ouais. Oui, donc ces Bakil réclament leur part du gâteau. Et ils sont d'autant plus puissants qu'ils contrôlent l'oléoduc qui achemine le pétrole jusqu'au terminal de Hodeida. Ouais. C'est un port situé sur la mer Rouge. Ouais. Ces tribus sont donc de plus en plus remuantes et indisciplinées. Et elles font la loi dans les territoires qu'elles administrent officieusement. C'est aussi l'époque où on va assister aux premières prises d'otages. Des étrangers, généralement, mais pas seulement. Et ça devient une pratique presque banale. On enlève un ou plusieurs touristes pour toucher une rançon, mais aussi pour obtenir l'électrification d'un village ou la construction d'une route. Une méthode de revendication comme une autre. Oui, c'est à peu près ça, oui. Il faut remarquer que dans la plupart des cas, ces prises d'otages se terminent plutôt bien. Dès que leurs objectifs ont été atteints, les ravisseurs relâchent leurs prisonniers. Il y aura quand même, si je me souviens bien, des morts. Oui, à la suite d'un assaut des forces armées, 4 touristes sont tués en 1998. Ouais. Ce qui signifie que le gouvernement essaie de juguler cette vague de prise d'otages. Il a même fait passer une loi qui prévoit la peine de mort pour les ravisseurs. Ouais. Mais là, il n'est pas encore question de terrorisme. Officiellement, non. Pourtant, l'influence grandissante des mouvements islamiques les plus radicaux fait déjà craindre le pire. Et sans vouloir exonérer la responsabilité du gouvernement yéménite et celle de l'Arabie saoudite, je vous rappelle ce que je vous ai dit plus haut. Ce sont d'abord les services secrets occidentaux qui ont poussé les islamistes dans cette voie dangereuse du djihad. Et comme en Afghanistan, où après avoir combattu les soviétiques, les moudjahidines se sont retournés contre ceux qui les avaient armés. On va assister au même phénomène au Yémen. Et alors, l'Arabie saoudite, qui a puissamment aidé ces extrémistes, finira aussi par subir leur coup. Et on assistera à un véritable retournement d'alliance. Mais nous verrons ça dans un prochain entretien, car j'ai été déjà un petit peu long. Cependant, avant de nous quitter pour aujourd'hui, un mot sur les grandes lignes de l'évolution du Yémen après cette sanglante guerre du Nord contre le Sud de 1994. Grâce à leurs liens étroits avec les chefs des tribus, les islamistes sont donc devenus une force incontournable au Yémen. Oui, mais peuvent-ils s'emparer du pouvoir ? On n'est pas là. Cependant, il est vrai qu'ils ont profité du désordre qui a suivi la guerre civile pour infiltrer de nombreux secteurs de la société et même de l'armée. Et à la fin des années 90, ils ont obtenu des succès. Par exemple ? Ils ont obtenu une ré-islamisation de la société yéménite, surtout au sud, toujours suspectée d'athéisme. Les femmes sont donc de nouveau voilées et ces religieux radicaux réclament l'introduction de la charia. En outre, ils ne cachent plus l'attraction que représente pour eux Ben Laden. Ben Laden, le yéménite, il faut le rappeler. Et ça explique les nombreux attentats commis à cette période. Mais le gouvernement réagit-il alors ? Il essaie de limiter l'influence de ces islamistes et d'interdire l'entrée sur son territoire de moudjahidines ayant combattu en Afghanistan. Mais en même temps, le président Salé est demeuré prisonnier de ses alliances passées avec le parti islamiste. Et dès le début des années 2000, et surtout après l'attentat meurtrier contre un bâtiment américain, l'USS Cole, il est certain qu'il va être entraîné dans la spirale de la violence et que de l'autre côté, ses adversaires islamistes feront feu de tout bois pour l'abattre. Je vous livre en guise de conclusion provisoire quelques lignes écrites en 2003 par une universitaire spécialiste en relations internationales, Ludmilla Duboucher. Je cite. Le Yémen est un État dont on a souligné à loisir tous les aspects qui n'en faisaient pas un vrai État. Maillage lâche du territoire, absence de contrôle et de présence étatique dans de larges portions de ce dernier, frontières ouvertes à tous les vents et transformées en plaque tournante du marché noir, armes, carburant, cigarettes, prolifération d'armes, autonomie des zones tribales, etc. Autant d'éléments devenus des passages obligés pour les journalistes écrivant sur le Yémen, sans oublier qu'Oussama Ben Laden est d'ascendance yéménite. Affligé d'une image déplorable en raison de la longue litanie d'incidents, attaques, attentats et prises d'otages dont il a été le théâtre, le Yémen est entré tôt dans la ligne de mire des États-Unis, engagé dans un effort considérable pour identifier et circonscrire la menace terroriste. Les attentats de 1998 à Nairobi et Dar es Salaam, impliquant des suspects yéménites, l'attaque contre le USS Cole à Aden en octobre 2000, les événements du 11 septembre 2001, l'opération militaire en Afghanistan, à l'issue de laquelle plus d'une centaine de yéménites se sont retrouvés emprisonnés à Guantanamo Bay, l'explosion du pétrolier français Limbourg à l'entrée du terminal d'Alchir en octobre 2002, l'assassinat de trois missionnaires américains à Jibla en décembre 2002 sont autant d'événements qui ont accrédité fermement l'idée en Occident et à Washington en particulier que le Yémen constituait une plaque tournante du terrorisme. À samedi prochain, donc, pour la suite de cet entretien sur le Yémen et la réalité du terrorisme. Sur franceinter.com, vous pourrez retrouver les livres que j'ai cités. Valérie Ayestaraï, Michel Biou, Rebecca de Nantes, Monsieur Le Joub ont tous participé à l'élaboration de ce programme. Et tout de suite après le flash, CO2 Mon Amour de Denis Chessou.